Chapitre 10e. Le soleil brille pour Dob. Le lendemain était un vendredi, et ce vendredi parut un jour sombre et néfaste à Henri Adolphe, qui montra des dispositions si moroses à son déjeuner de famille qu'elles lui attirèrent le reproche qu'il s'était mal levé et qu'il avait l'esprit mal tourné. Peut-être n'y a-t-il pas de repas plus capable de fatiguer l'esprit et de révolter l'appétit que le triste déjeuner avec lequel tout Anglais qui a peu de fortune se fortifie pour une journée de travail. Le Parisien peut avoir trois plats et un dessert au Palais-Royal pour quelque chose de moins que 30 sous, ou dans les singulières petites rues de l'autre côté de la Seine pour un peu moins de 10 sous. Le paysan français dans sa province peut avoir une jatte de quelques mystérieuses soupes qui au moins est savoureuse, une grappe de raisin avec un gros morceau de pain, plein sa poche de poire jaune, ou une laitue à l'huile et une tranche de fromage sec. Il peut varier son humble menu avec le changement des saisons, se réchauffer avec une soupe en hiver, et se rafraîchir avec un fruit en été. Il peut en tout temps donner un air patricien à son repas, en consommant une liqueur qu'à tout hasard on appelle vin. Mais la femme d'un commis anglais, avec des appointements de 120 livres sterling par an, pense qu'elle remplit son devoir envers son mari quand elle a placé devant lui un kilo de pain rassis considérablement mélangé d'alun, un douteux œuf français dur et tout juste ce qu'il faut d'un beurre médiocre. Puis elle s'assied en face de lui et le regarde sévèrement à travers une théière de métal anglais sombre remplie d'un thé faible qui n'a jamais poussé en Chine et dont la hideuse ressemblance avec le thé est noyée dans une quantité immodérée d'eau bouillante. Et s'il ne rend pas justice aux objets que ses dieux domestiques lui ont servis, elle lui demande durement pourquoi il n'a pas fait un bon déjeuner. « Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, Henri Adolphe, ces derniers jours, » s'écria Célina, comme son mari repousse un œuf sans l'avoir goûté. « Vous avez été un être fort ennuyeux, fort grognon, ce qui n'est pas dans vos habitudes. Et pourquoi détournez-vous votre nez d'un œuf parce qu'il sent un peu la paille? C'est simplement bégueulerie. » Maintenant que les œufs ne valent qu'un shilling les 14 et qu'ils deviendront plus chers d'ici Noël. Je n'aime pas les poulets non développés, répondit le commis de mauvaise humeur, quoique votre penchant puisse rester de ce côté. Je pense que vous auriez pu m'avoir un hareng bouffi ces temps-ci, puisque vous savez que je les aime, mais vous ne pensez jamais à rien. J'aime à être dédaigné, comme dit le gentleman de la pièce, et maintenant je vais au bureau. Ainsi, porte-toi bien. À toi pour jamais. « Encourage jamais, etc., etc. Mon bateau est sur le rivage et ma barque sur la mer. Mais avant de partir, Tom Moore, je te porte une double santé. »« Pourquoi ce gentleman parle-t-il d'un bateau et d'une barque ? Cela est au-dessus de ma compréhension. À moins que la barque ne soit pour son chien favori qui a l'habitude de nager tout autour, » dit Dob, dont la légèreté d'esprit n'était pas tout à fait éteinte par un sombre désespoir. Il alla tout droit à son bureau, songeant tristement à la déloyauté de Cafron et déterminé à employer le loisir de son heure de dîner à la recherche de ce gentleman. « Il m'a évité prudemment tout hier, » pensa le commis, « ce qui prouve que c'est un cas de non-odir et qu'il ne veut pas s'enferrer. Je l'ai vu rôder hier autour du bureau de Sloper et Hallyday avant de m'en aller. Mais lorsque je suis sorti, il avait pris la clé des champs. Si je n'ai point l'argent d'ici demain soir, j'abandonnerai cette place et ce sera ma ruine. Des faiseurs d'embarras comme Cafron peuvent se résigner à vivre sans réputation. Mais qui est-ce qui me soutiendra si je m'enfuis en laissant 50 livres sterling de déficit dans la caisse qui m'est confiée ? Dob fit son entrée dans le bureau d'un pas lent avec un air lamentable. Le plaisant salut d'un jeune commis facétieux lui fut désagréable, quoique ce jeune esprit lui reconnût comme son supérieur. Henri Adolphe grommela tout haut en accrochant son chapeau, frappé par la solidité de la patère à laquelle il le pendait, et qui pourrait être une chose convenable pour se pendre lui-même avant samedi soir. Il se rendit à son pupitre d'un pas insouciant et s'assit languissamment sur son tabouret. Un tas de lettres attendait son inspection, de petits ordres de cabaretiers campagnards, des excuses de récalcitrants vendeurs de bière pour l'avoir fait boire avant le temps, et ainsi de suite. Il les ouvrait d'un air machinal et pliait chaque lettre avec une sage lenteur après l'avoir lue, en mettant l'enveloppe dedans. Car Dob était un bonhomme d'affaires, quoi qu'il dit compréhension ou une personne rationnelle aurait dit intelligence. Il continua à travailler ce jour-là selon sa manière et dans l'ordre habituel, quoique son cerveau fût troublé par la vision d'un directeur en fureur. Mais lorsqu'il arriva à la dernière lettre, il s'émotionna tout à coup et déchira l'enveloppe en l'ouvrant avec une hâte fiévreuse. Car cette enveloppe était adressée à M. Daube avec le mot « particulière » écrit au-dessus du cachet, sur l'endroit même où le pousse sacrilège doit approcher s'il veut déchirer l'enveloppe et traverser le seuil même du temple pour arriver à ses fins. La main qui avait écrit l'adresse et l'avertissement était celle de Jervois Cathron. Encore une excuse, pensa Daube avec un murmure étouffé. Mais l'instant d'après, la figure du commis devint tout à coup radieuse. Il n'y avait pas de lettre dans l'enveloppe qui contenait un petit paquet de papier mince oblong, et ce petit rouleau de papier mince oblong était un billet de 50 livres sterling. Henri Adolphe attendit juste le temps nécessaire pour se convaincre que le billet n'était pas quelque vile et fausse contrefaçon, payable sur la banque de l'amour ou sur la banque de l'élégance, avant de quitter son tabouret et d'exécuter quelques savants entrechats sur le parquet du bureau. Le jeune commis, qui n'était pas habitué à de telles manifestations de sang supérieur pendant les heures consacrées aux affaires, ouvrit les yeux tout grands, comme Kim Jamie lorsqu'il lisait les conférences des magiciens dont la destinée était malheureuse, avec une admiration prodigieuse. « Je vous dirai ce que c'est, Sparkins, » dit Daube. « Je ne me permets pas souvent la coupe qui console et qui est trop bonne pour enivrer. Mais j'ai fait un très mauvais déjeuner ce matin et je me trouve au dernier degré du besoin. Ainsi, échappez-vous et allez faire un tour au tonneau pour apporter un pot de double bière brune, puis traverser la rue pour aller chercher un pâté de porc chez Codger. La nature abhorre le vide. » Et j'éprouve un sentiment d'anéantissement que rien moins que ces spens de porc apaisera. Dites à Codger, je ne m'inquiète pas des petits chats tant que ce sont des chats bien portants, mais que les chats malades ne sont pas du tout de mon goût. Vous me devez quelque chose pour cela, je m'en flatte, Sparkins. Et maintenant, le vénérable propriétaire de ce bureau peut rentrer logis aussitôt qu'il le voudra. Richard est encore Richard, dit un monologue Daube, qui est un homme d'affaires, prit la précaution d'inscrire le numéro du billet de 50 livres dans un petit portefeuille dans lequel il y avait d'autres numéros. Après avoir fait cela, il ouvrit le coffre-fort en fer et mit le billet dans une caisse où il y avait d'autres billets et de l'or s'élevant à une somme importante. « Le vieux Melin d'associé sera intrigué en voyant ce billet, » marmotta le commis en s'arrêtant pour fermer la caisse. « Je n'ai rien reçu au-dessus de 10 livres depuis qu'il est parti. » car il prend joliment soin que les gros chèques arrivent tous dans ses filets. Il me fera quantité de questions sur ses 50 livres. Aussi certainement que les œufs sont des œufs, s'écria en français le commis qui, lorsque son esprit était spécialement gai, était capable de s'abandonner à des traductions littérales de ses phrases favorites, de se proclamer en haut du tabac, et de demander en badinant si ses amis n'apercevaient point du verre dans son œil. C'est assez embarrassant, pensait Henri Adolphe. « Mais j'ai l'argent, c'est le grand point, et je dois forger quelque histoire pour le directeur, ou peut-être le mieux serait-il de porter l'argent au jeune Hallyday avant 4 heures de l'après-midi pour qu'il aille le porter à la banque. Cela sauvera un sermon au jeune élégant, et il ne s'imaginera jamais de prendre note de quelque chose, si ce n'est du total qu'il y déposera. » Étant arrivé à cette détermination, Daube reprit toute sa tranquillité d'esprit, et lorsque le jeune commis rentra au bureau portant un pot d'étain plein de porteurs écumants, un pâté très doré avec 2 assiettes et 2 couteaux proprement posés sur un petit plateau, Henri Adolphe ôta son habit pour s'amuser plus à son aise. « Nous sommes joliment négligents ce matin, Sparkins, » dit-il. « Mais vous feriez bien de donner un tour de clé, afin que nous soyons sûrs que quelqu'un d'intrus ne s'introduira pas ici pendant que nous prenons nos rafraîchissements et notre consommation. » J'ai vu cela écrit sur un café, quand j'étais à Boulogne. Mais peut-on espérer autre chose que des idées saugrenues du langage d'une nation qui appelle des chapeaux et des bonnets des confections? Mettez-vous à l'aise au logis, Sparkins, mais d'un autre côté, rappelez-vous l'injonction de l'immortel Seyré, qui d'aucune manière ne ressemblait à votre mère. Ne soyez pas féroce, Sparkins, parce que si vous vous laissez aller à la colère, vous vous étoufferez. L'indignation et le pâté de porc ne peuvent pas aller ensemble, comme le poète le remarque à propos de la jeunesse et de la vieillesse. Il ne faut pas prendre mon allusion à votre parent maternel pour un compliment, mais c'était avec une intention bienveillante. Lorsqu'un gentleman qui gagne 60 livres régale à ses frères un gentleman qui en gagne 27, il doit s'attendre à être foulé aux pieds. Si le jeune homme fut en colère du discours de son supérieur, il noya sa colère dans le stout brun. « Il y a quantité de monde en face de Codgers, dit-il, et cette foule est dans un bel état d'agitation. Je suppose que vous avez entendu raconter la nouvelle en venant au bureau. Quelle nouvelle ? S'écria Dob. Comment aurais-je pu apprendre qu'une nouvelle ? Je n'ai parlé à créature vivante depuis mon logis jusqu'ici. Quoi, vous ne savez rien encore ? Non, je vous le redis, cruche. » Le cœur du jeune commis tressaillit d'un sentiment de triomphe. Il n'obtenait pas souvent un avantage sur son supérieur. Mais être capable de communiquer une partie importante d'une nouvelle locale à ce gentleman était une manière de l'emporter sur lui. Henri Adolphe se sentit humilié, mais il était un trop grand personnage pour avoir le dessous avec son inférieur. « Allons, » dit-il durement en reprenant le ton d'un maître, « débarrassez la table de ces morceaux de gras et mettez le plateau sur le coin là-bas. Nous ne pouvons tolérer ces sortes de choses pendant l'heure des affaires, » ajouta le commis, comme si le pâté de porc pour le lunch avait été une idée suggérée par le jeune commis plutôt qu'une faiblesse du grand Dob lui-même. « Remettez la clé dans la serrure et retournez à votre pupitre comme il y a une heure. » Le commis remonta sur son tabouret tout en parlant et commença à écrire en faisant beaucoup de bruit avec une plume très dure. « Maintenant donc » s'écria-t-il de sa manière la plus insouciante après avoir écrit attentivement pendant à peu près 5 minutes. « Quel était ce... « Tapage près de chez Codgers ?» Le jeune commis avait été privé de son triomphe. Il avait joui par avance du plaisir de voir l'étonnement de l'important Dob, et voyait cet esprit supérieur lui demander de lui raconter son histoire, comme il lui demandait de réciter une leçon. Toute l'affaire était plate et ennuyeuse, et Sparkins lui communiqua sa nouvelle d'une manière tout à fait soumise. « Un gentleman a été tué dans les bois de Scarsdale, » dit-il. Un gentleman qui a dîné hier soir chez Sir Gaspard et qui a quitté l'abbaye à cheval pour retourner à son logis hier soir entre 8 et 9 heures. Il a été trouvé par plusieurs hommes qui ont traversé le bois à 11 heures et qui l'ont ramené à l'abbaye, et on ne suppose pas qu'il vivra. « Qui a tiré sur lui ?» demanda Dob sévèrement. « C'est au juste que personne ne sait. Des braconniers peut-être. Il y en a toujours en quantité qui rôdent après la nuit dans ce temps de l'année, et on dit que ce gentleman avait de l'argent sur lui. » Qui était, ou qui est ce gentleman? Monsieur Holford, je crois, il l'appelle. Hein? Je n'ai pas l'honneur de le connaître. Il était en visite à Marchbrook, dit-on. Ah? S'exclama le commis avec une suprême indifférence. Je le crois. Naturellement, il y aura toutes sortes de faux rapports à ce sujet. Mais je saurai le fort et le faible de l'histoire par la cousine de ma femme, Dorothée Thursgood, qui est tout à fait la compagne confidentielle de Mademoiselle Dennison. Je prendrai mes informations en haut lieu, et je vous raconterai l'affaire demain. » Complètement anéanti par le patronage de son supérieur, le jeune commis se remit à ses livres, prenant des chiffres sur un livre pour les reporter sur un autre, et faisant des doubles lignes avec de l'encre rouge, Dob profita de l'heure de son dîner pour porter la petite caisse chez M. Halliday, qui habitait une agréable vieille maison du style des George dans une ruelle où les tours de la cathédrale répandaient une perpétuelle fraîcheur par leurs ombres noires et solennelles. Halliday était un jeune célibataire fort gai, et le commis le trouva étendu sur un sofa avec un cigare à la bouche et un roman français à la main. Mais un traité d'algèbre ouvert et un pupitre sur la table près de lui indiquaient qu'il avait au moins fait quelques essais d'études. « Bonjour Dob, comment vous portez-vous » dit-il. « Asseyez-vous. « Et faites comme chez vous. Rien de mal au magasin, j'espère. »« Non, monsieur, tout va bien. » Henri Adolphe avait presque commencé les syllabes de tout serein, mais il rentra en lui-même par déférence pour son supérieur, qui était un tout jeune homme et qui parlait l'argot, mais pas le même argot que Dob. « Je vous apporte la caisse, monsieur, » dit le commis, plaçant la précieuse cassette sur la table de Halliday. « Pensant que vous pouvez être bien aise de payer en argent comptant, avant que M. Sloper rentre à la maison. » Il pourrait regarder de plus près les choses, comme homme d'affaires, vous savez, monsieur, qu'il y a plus de 100 livres dans la caisse qu'il ne doit y avoir. Et M. Sloper... Oh oui, je comprends. Il m'aurait fait un long sermon pour ne pas m'occuper du bureau. et vous m'avez apporté cet argent pour m'épargner un ennui. C'est très aimable à vous, Dob, et je vous suis très obligé. Voulez-vous un peu de claret d'eau de Sels? C'est un mélange excellent par ce temps. Vous trouverez une jarre de véritable Nassau dans ce buffet et une bouteille de Saint-Julien convenable, et si vous tirez la sonnette, je suppose qu'on nous apportera un morceau de glace. » Mais Dob refusa l'honneur de l'hospitalité de son supérieur. Il était désireux de retourner au bureau, disait-il. Dans toute autre occasion, il aurait été très heureux de boire du claret et de l'eau de Sels avec le brillant jeune Hallyday. Non pas qu'il s'inquiétât du claret et de l'eau de Sels, mais parce qu'il aurait trouvé que c'était une chose délicieuse de pouvoir se vanter de l'intimité de son chef pour humilier son entourage. Ce jour-là, il se regardait comme un imposteur car il était venu chez Hallyday dans l'intention de sortir de ses embarras particuliers et non dans le désir désintéressé d'obliger ce gentleman. Mais le jeune associé offrit au commis une poignée de cigares de choix dans l'envie qu'il avait de récompenser sa peine, et Dob quitta la maison du temps des George et sortit de l'ombre produite par les tours de la cathédrale, enrichi mais plein de remords. Il trouva tout le monde à Roxborough occupé de l'affreux crime commis dans le bois de Scarsdale, et chaque personne, de quelque importance, avait sa théorie sur cette action et était obstinément sourde à l'argument d'une autre personne qui avançait quelque autre théorie. Henri Adolphe fit les délices de sa femme toute la soirée, tandis qu'il prit longuement son thé et ne fut pas lui-même insensible à la preuve silencieuse de l'amour de sa femme pour lui et pour son devoir qu'il trouva entre deux places sur la table sous la forme d'un très beau hareng. « C'est un hareng laité, Henri Adolphe, dit Madame Dob. J'ai pensé que vous aimeriez à manger quelques bons morceaux en prenant votre tasse de thé. Et j'ai pris un petit pain de deux saules aujourd'hui chez le boulanger pour vous, ajouta la femme soumise en coupant une tartine d'un parasite d'une livre pour sa propre consommation. Monsieur et Madame Dob discutèrent sur le crime commis dans le bois de Scarsdale à la fin, quand ils se furent assis après le thé et que le plateau eut été emporté. La robe de Mademoiselle Penkit fut négligée pendant que Célina écrivait à sa cousine Dorothée pour lui demander de venir prendre le thé le lendemain soir. « Je suis sûr que Mademoiselle Denison te laissera venir, » écrivait à Madame Dob, « et naturellement M. Caffron te reconduira à la maison. »« S'il le veut, cependant, » s'écria le commis en lisant attentivement la phrase de la lettre de sa femme. « J'espère qu'il arrivera inopinément dans cette soirée, aussi longue que la vie. » Et j'espère que vous serez polie avec lui, Lina, et que vous ne lui montrerez pas les dents, comme vous avez fait la dernière fois qu'il est venu ici, car il s'est très bien conduit avec moi, dans une petite affaire que nous avons faite dernièrement. Quoi ? S'écria Célina alarmée. Vous ne lui avez pas prêté de l'argent, je l'espère, Henri Adolphe. Si, je lui ai prêté quelques livres, mais il a agi honnêtement et tout va bien. Dob n'avait pas oublié le reçu qu'il avait pour les 30 livres perdus. Mais il croyait sincèrement que Gervoise trouverait à l'occasion de l'argent pour acheter ce papier comme il avait fait quand il l'avait pourchassé pour une dette encore plus pressante. Célina promit d'être polie avec le lieutenant s'il venait. Mais Caffron ne survint pas à l'improviste, comme Dob avait espéré qu'il le ferait.